Je m'incline, Charline, je ne peux pas lutter, c'est le français, madame, que vous recevez aujourd'hui. Eh oui, le français, la comédie française, madame. Et vous serez en République, bordel de merde. C'est des gros mots, ok. Merci, bon, c'est une citation, hein, ça devait être dans les Visiteurs 2, je crois. Donc. Merci. On voit le niveau. Laetitia, oh, bah, les références. Oui. Allez, écoutez, chers auditeurs, on pense à vous dès la matinée, on pense à vous faire une belle émission et voici comment ça se passe. Est-ce que quelqu'un a vu le Figaro? Les bêtises, je n'arrive pas à mettre la main sur les journaux. Ah, salut tout le monde. Qu'est-ce qu'il sent ça? C'est pas Maggie en tout cas. Mais on dirait un hymne national. Ah bah oui, c'est l'hymne national belge. Pourquoi il fait ça? On reçoit Christian Eck. Ah, le super acteur de théâtre. Oui, c'est ça. Ah, c'est un belge. Oui, bien sûr. Non, mais il n'est pas belge, il est à la Comédie Française. C'est ça qui est fort. Qu'est-ce qui est fort? Le génie de la Comédie Française, c'est un belge. Quoi? C'est un scandale. Mais non, mais attendez, je tiens quand même à dire qu'on dans un pays de race française. Exactement. Donc on vous tolère, d'accord, mais oui, ça mais va, là, faut pas. Je ne suis exagérer. Pas d'accord. Ah bah ça, évidemment. Ça, et je voudrais louer l'intelligence des Français qui, quand il s'agit de viser l'excellence, n'hésitent pas à déléguer des postes importants à des Belges. Comme par exemple sur leur radio de service public. Voilà. Mais c'est vrai, ça vous aide bien. Il vous faut quoi encore? Vous voulez proposer un candidat à la présidence de la République? Non, ça va quand même. Vous pensez plutôt à une annexion. Vous êtes malade, vous êtes cinglé. C'est bien, vous auriez de nouveau un roi. Eh bien, on lui coupera la tête, voilà. Tu expliqueras à Christian Eck que t'es pas content. Bah oui, alors je vais lui dire là, machin Eck là, c'est pas un mangeur de frites une fois qui va me faire peur. Ouais, bah tiens, regarde un petit peu sa photo. On dirait Bruce Willis. Oui, bon. Et tu vas lui dire quoi, Bruce Willis? Ben, je lui dirais déjà, bon, que l'hymne national, c'est vrai qu'il est joli. Oui, et que dans un premier l'apprendre, temps. L'apprendre, l'hymne national. Non, je sais pas. Le roi, la loi, la liberté. On y va. Vas-y, répète. Roi, la liberté. Voilà, regarde bien la photo. Tu vois? Ouais. Robespierre, si tu m'entends, pardon. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui pratique le chantage avec l'actualité. Et voici les trois informations qui vont finir en sextape d'ici 18h. Promesse numéro 50 de François Hollande, le droit de vote des étrangers. Bon, bah, ce droit de vote des étrangers, il commençait à devenir vieux, quoi, et voilà. Et... Que les avions qui hurlent au dehors dessinent dans le ciel ces trois mots. Il est mort. Ouais, fini. Le don de sang est ouvert aux homosexuels, mais pour le don de soi, comment dire, ils sont invités à faire un nœud pendant 12 mois quand même. La dernière fois que j'ai baisé, le Coca-Zéro, ça n'existait pas. La France vit une grande première aujourd'hui. Oui, attention, c'est la première journée des parents au bureau. Oui, c'est-à-dire papa, maman, en visite à votre travail. Ce matin, je me suis présentée chez toi, et l'autre fois, elle m'a empêché de rentrer dans ton cabinet. Mais c'est normal, j'étais avec monsieur Simoni. Ah, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Vous savez qu'en France, Madame Vizorek, mère, c'est elle. Écoutez, je suis sûr qu'elle nous regarde sur la plateforme. Là, non, il a la plateforme internet. Elle nous surveille. Autour de la table, elle est très contente puisqu'aujourd'hui, nous avons l'équipe type. Attention, à 17h20, l'homme qui a passé 2 semaines enfermé au point soleil de Chamonix à écouter Radio Latina et qui revient en nous parlant d'immersion musicale dans les favelas du Brésil, c'est André Manoukian. Bonjour. Je suis démasqué. Bonjour Alex. Bonjour Charline. De quoi on parle? Je vais vous parler d'un musicien formidable qui s'appelle Bachar Mar Khalife et qui nous fait une musique somptueuse qui relie l'Occident et l'Orient. Et par les temps qui courent, il est pile dans la lignée du dernier Goncourt que j'adore aussi. Voilà, un Bachar comme un autre. À 17h30, celui qui, au lieu de voir des shows gigantesques de chanteurs de droite, va hurler comme une adolescente prépubère dans des meetings de politiciens de gauche, c'est Guillaume Meurice. Mais oui, bonjour Alex, bonjour Charline, vous êtes bien renseigné. Je me suis rendu hier au grand meeting de Claude Bartolone, il y avait une ambiance de folie. Claude Bartolone, oui, et voilà, une fan de Claude, une Claudette, en quelque sorte. Et à 17h40, ah, quand je la vois, j'ai envie de chanter « Destinée ». On était tous les destinés. Sauf que vraisemblablement, nous n'avons pas la même destination. C'est Clara Dupont-Monod, bonjour. Bonjour Alex. Oui, bah c'est bien ce qui me semblait. De quoi va-t-on parler? On va célébrer l'anniversaire oublié qui concerne une reine avec avec un livre qui célèbre les reines. Un livre donc sur Charline et moi. Oh, allez, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Baudouin de Belgique. Vous recevez le Molière de la révélation masculine en 2000, quand Kasparov perd son titre de champion du monde d'échecs. C'est la fin d'une époque, donc. Vous recevez ensuite le Molière du meilleur comédien en 2011, quand les indignés se rassemblent à travers le monde. Et vous devenez pensionnaire de la Comédie française. On m'a dit sociétaire, pensionnaire, je confonds toujours les deux. Mais là, on rentre pensionnaire et puis si on travaille correctement, on devient sociétaire. Voilà, sociétaire de la Comédie française en 2013, quand le comédien qui explose cette année-là, c'est Cahuzac pour sa réplique. Les yeux dans les yeux, je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Voilà. Et donc, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Christian Eyck. Oh, la Comédie française. Chance. Pensionnaire. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Christian Eyck est 20 000 lieues sous les mers, d'après Jules Verne, au théâtre du Vieux Colombier. C'est jusqu'à dimanche. Alex Vizorek est allé vous voir. Mais oui, je suis allé vous voir, c'est formidable. On va faire très simple, parce que souvent on tricote un peu pour arriver à dire que l'invité, c'est bien ce qu'il fait. Ici, on mais est tranquille, fait, on c'est va nul, tout là, droit. La plupart du temps. C'est formidable. Là, c'est et surtout, je vais vous dire, allez-y, mais il n'y a plus de place, donc on est tranquille. Parlons peut-être du Goldoni. Est-ce qu'il reste des places pour le Goldoni qui suit? Je n'en sais rien, il paraît que ça se remplit bien. Est-ce que vous avez une autre actu? Je sais pas. Un barbecue, vous organisez des trucs chez vous. Non, c'est formidable, 20 000 sous les mers. Et surtout, ça faisait longtemps que j'ai puté à la Comédie française. Quand je dis longtemps, peut-être une année. Et quand les gens viennent à Paris, moi je dis toujours, s'il faut aller voir, ils me disent, ah, quel spectacle il faut aller voir. Alors les gens, ils regardent les colonnes Maurice, mais non, ce qu'il faut aller voir, moi, c'est. Moi je dis Vizorek. Ça, c'est une idée. C'est la Comédie française. Pour vous qui êtes belge, est-ce que quand vous étiez gamin, quand vous veniez à Paris, c'était là que vous alliez? Non, pas du tout. Au contraire, justement. Oui, ben on a pas toujours ça. Non. Ma maman m'emmenait de temps en temps, quand j'étais jeune garçon, passer un week-end à Paris. Oui, on prenait le fameux TE, là, le train ondulé qui n'avance pas très vite. Et donc, on passait le samedi dimanche, on essayait d'exploiter le temps au maximum, c'est-à-dire musée la journée, et on faisait toujours un soir théâtre public et un soir théâtre privé. Ah. Et un jour, elle m'emmenait à la Comédie française, et après la journée de musée, je me suis tout de suite endormi. Et ça n'a jamais été mon rêve de petit garçon de rentrer à la Comédie française. Mais là, aujourd'hui, c'est sans doute votre rêve de comédien parce que vous avez une liberté folle. La mise en scène est formidable de 20 000 sous les mers, mais j'ose même pas trop dire parce que sinon les gens vont être frustrés. Je sais pas si vous allez le reprendre, mais il y a tout un, on voit des poissons. Non mais c'est formidable parce qu'on a l'impression d'être sous l'eau. C'est vous qui l'avez faite cette mise en scène aussi? Avec mon épouse. Oui, avec votre épouse. Est-ce que c'est vous qui avez dit, bah écoutez, moi je le sens 20 000 sous les mers parce qu'a priori on n'imagine pas au théâtre. Moi ma première envie c'était donc l'administrateur, le nouvel administrateur qui est Éric Ruff. Oui. Il nous avait fait un très beau discours quand il a pris sa place. Il disait tiens, on va s'échanger un petit peu nos savoir-faire. On est une troupe assez pluraliste, assez diversifiée, et on va un peu s'échanger nos savoir-faire. Et donc l'idée a germé dans ma tête. Comme moi, j'ai fait pas mal de marionnettes avec Philippe Gentil avant de rentrer à la Comédie française. Je me suis dit et si j'amenais la marionnette à la Comédie française, c'est un art que j'aimerais bien transmettre à mes camarades ou faire goûter à mes camarades. Mais j'avais pas du tout l'idée guignol à la Comédie française. il fallait un auteur, il fallait du français. il fallait les nettes de noblesse de cette langue. Et c'est mon épouse Valérie qui m'a soufflé le titre de 20 000 lieues sous les mers. Et tout de suite, les choses se sont éclairées. Je me dis, c'est parfait. Dans le milieu marin, on fait les marionnettes, et dans le sous-marin, c'est les comédiens. Là, jusqu'à ce qu'à un moment, vous-même, vous jouez le rôle, et peut-être c'est la première fois de votre vie, de l'écrevisse. Oui, vous avez mal regardé le spectacle. Quoi, c'était un tourteau, c'était une araignée de mer. Ah pardon, c'est parce que je suis pas très doué en plateau de mer. Mais mais c'est formidable. C'est... Vous avez votre tête et les décorateurs sont aussi. Alors je sais pas si eux appartiennent à la Comédie française aussi ou si vous avez été les chercher ailleurs. Mais faire ces marionnettes là, faire ces articulations. Non, en fait, les plasticiens qui ont fait la marionnette, c'est pas la même équipe que le décor. C'est Éric Ruff qui a fait la scénographie et les marionnettes, c'est Carole Allemand et Valérie Le Sort. Toujours mon épouse, comme ça j'ai bien dit son nom, et qui se sont occupés de la fabrication des marionnettes. Est-ce que c'est Actor Studio? Est-ce que vous êtes mis dans la peau d'une araignée de mer pendant des années? Comment comment vous avez travaillé ce rôle? Il me suffit juste d'aller détester quand je les vois, je trouve ça dégoûtant. C'est suffisant. Christian Eck de la Comédie Française, donc en ce moment on peut voir dans 20 milieux sous les mers, mais vous me dites c'est complet. Oui, c'est complet, mais il y a les rustres de Goldoni. Mais oui, il y a d'autres choses. Novembre, il y a tout le programme surtout, de la Comédie Française. Voilà, le premier réflexe quand on vient au week-end à Paris, regarder le programme de la Comédie Française et après on regarde le privé. Et voilà. Sur France Inter, jusqu'à 18h, si tu écoutes J'annule tout, on va parler un petit peu d'activité, de théâtre et de blagues. Si ça vous dit quelque chose, si ça vous dit Elvis, c'est l'original, c'est Eric Burdon and the Animals, Sea Rider, comme ça tombe bien, sur France Inter, parce que nous recevons Christian Eck, qui joue en ce moment 20 milieux sous les mers. Mais oui. Christian Eck de la Comédie Française. Mais bien entendu, formidable, et autour de la table, nous avons Christian Eck de la Comédie Française, ça fait chic à la noblesse, les Belges, ça nous touche énormément. Nous c'est avons... noble en fait, oui, ça donne un petit côté noble, c'est noble. De nous la avons... Comédie Française, deux corvées de patates de ma matin de bonheur, par exemple. Nous avons André Manoukian, nous avons Clara Dupont-Mono, et nous avons Guillaume Meurice, qui va venir se mettre à mes côtés parce que je vais lui donner un petit rôle dans le journal de 17h17. Christian Eck, oui, à cette heure-ci, comme il est 17h21, il est presque 17h17 et c'est l'heure du journal, bien sûr. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. On commence avec les titres. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, était en interview ce matin sur BFM et elle n'a pas été capable de répondre à une question simple sur les CDD. Le sien pourrait donc se terminer plus tôt que prévu. Affaire de la sextape de Valbuena, Karim Benzema est mis en examen. Lui qui avait déjà été cité dans l'affaire Zaya. Benzema, dès qu'il y a une bimbo, il est dans le coup. Les enquêteurs de l'affaire des prothèses PIP hésitent à l'entendre. Et on terminera par des brèves qui seront moins intéressantes que celles d'hier, mais beaucoup plus que celles de demain. Et on commence par Myriam El Khomri, qui était ce matin l'invitée de Jean-Jacques Bourdin. Voilà, il en gardera sans doute un super souvenir. Écoutez. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Jusqu'à non, mais combien? Myriam El Khomri? Un CDD. 3 fois? Non. Vous êtes certaine de ça? Un CDD, dire, combien? Un CDI peut être, un CDD peut être requalifié en CDD. Un CDD. Pardon. Un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. C'est pas mal, hein. Et alors, attention, elle sent qu'elle est mal embarquée, mais elle se dit, si je tricote un peu, peut-être qu'il oubliera sa question, Jean-Jacques Bourdin. Eh ben non. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois, le CDD ? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois ? Maximum ? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Deux fois. Il peut être renouvelé deux fois. Depuis, savez-vous depuis quand ? Depuis le mois d'août dernier. Qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement, Myriam El Khomri. Oui. Bon, bah, je vous le dis. Franchement, j'ai dit trois fois et j'ai bien senti. Et j'ai bien senti que Jean-Jacques Bourdin me l'avait fait à l'envers. Ah, la vache. Et là, c'est important d'y aller, comme ça on prend des leçons pour les ministres. Hein, ils se font un petit peu. Voilà. Ouais. Média. Donc finalement, elle préfère encore aller chez Olivier Mazerolle. Oui, bah, pour parler des plages de Casablanca. Ah, ça faisait partie des questions qu'il avait posées quand elle était venue, c'est ça. Média. On a appris que Fleur Pellerin voulait empêcher Valeur Actuelle et Minute de toucher des aides de l'État. Bah, c'est sans doute parce qu'elle ne les lit pas. Voilà. Disons que si elle ne subventionnait que ce qu'elle disait... Ah ouais, ça ferait une belle économie à l'État. Passons à l'affaire Air Cocaïne. Oui. Jean-Marie Le Pen affirme être totalement étranger à l'affaire. Et c'est la première fois que Jean-Marie Le Pen est content d'être un étranger. Guerre en Syrie, Paris va déployer le porte-avions Charles de Gaulle pour les opérations contre Daesh. Le Charles de Gaulle. Oui, et nous avons la réaction de Daesh suite à cette annonce. Le Charles de Gaulle. Le porte-avions est censé arriver sur zone en 2016. Oui, donc a priori, avant 2024, ils sont à l'aise là-bas. Passons au sport à faire avec l'affaire Valbuena. Oui, Karim Benzema a passé la nuit en garde à vue, a été mis en examen car il aurait conseillé Mathieu Valbuena à payer les maîtres chanteurs qui seraient des amis donc de Karim Benzema. C'est clair. Ouais. Ouais, ça va pas être facile pour l'équipe de France, ils doivent se faire des passes. Ben oui, effectivement. Et donc c'est pour ça qu'on a sur ce plateau notre consultant football, Guillermo Meurice. Ouais, bonjour Alex, bonjour à toute l'équipe. Voilà, consultant football, c'est obligatoirement l'accent du Sud. C'est comme ça. Guillermo, quelles sont les conséquences pour l'équipe de France ? Bon, mais c'est clair que le courant va moins bien passer entre les deux, hein, ce qui pourrait évidemment freiner les attaques en France. Oui, mais il y a la paire Pogba-Griezmann qui pourrait être une bonne solution. De rechange. Ouais, mais bon, comment dire, un soir en boîte de nuit, Pogba a dragué la gonzesse de Griezmann. Donc, ok, mais il y a Diarra Giroud éventuellement. Non, mais parce qu'eux, ils se sont retrouvés dans une partouze et Giroud, pensant que c'était une stripteaseuse de dos. Oui, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne défense. Varane, Sako, ça tient. Ouais, ça tenait parce que la mère de Varane, si vous voulez, est pas mal. Et Sako, bon, bah, vous voyez ce que je veux dire. Bon, en gros, dans l'équipe, il n'y en a pas un qui a une affaire de cul et qui a. Voilà. C'est... Non, je pense pas, honnêtement. Voilà, merci Guillaume. Merci Guillermo, on termine pour rééquilibrer un peu les choses. Oui, par c'est l'équilibre, hein, tout en équilibre, par une brève qui nous vient du Nord. Une brève qui nous vient du Nord et qu'on ne commentera pas. Douai, les deux policiers qui s'étaient télescopés sur la route étaient ivres. C'est social, ça se passe dans le Nord. Voilà, et sur France Inter, où il est 17h25, à Paris, à Bruxelles, à Béthune, nous sommes en compagnie de Christian Heck, de la Comédie française. Mais arrêtez de faire, c'est pas poussiéreux, la Comédie française, vous m'énervez tous. Mais on fait pas un accent poussiéreux, c'est du respect, non, tout ça. Respect institutionnel. Et de la jalousie. Parce que nous, c'est vrai. Respect des institutions, toujours. Alors, premier sujet avec vous, Christian Heck. Manuel Valls a définitivement enterré le droit de vote des étrangers. Alors, on n'attendait plus vraiment cette promesse numéro 50 de François Hollande. Mais Manuel Valls est même convaincu que cette réforme ne sera même pas reproposée à la prochaine présidentielle. Voilà. Donc, si ça se trouve, le vote des étrangers, c'est nous qui l'avons rêvé. Est-ce qu'il ne serait pas logique que des personnes qui vivent sur notre pays depuis des années, parfois très longtemps, payent leurs impôts locaux et ne pourraient pas voter également aux élections locales ? Il n'y a rien à craindre dès lors que ça se fait sur une base qui est celle du vote à une élection locale. Est-ce que vous proposerez cette réforme ? Non, moi j'ai dit que ce serait par la voie parlementaire qu'il faudrait faire une modification de la Constitution. Parce que c'est ce qui... Oui, bon, ça va, je pense qu'on a compris. Hein. Grosso modo, on a compris. Alors, Christian Heck, en Belgique, les étrangers peuvent voter aux élections, le local, quoi, communal. On mais je n'en sais rien. Ah bon ? Vous êtes devenu trop français. Oui, ça fait combien d'années ? Moi, je vote toujours en Belgique. Hein. Ah. Donc, je n'ai pas fait les démarches pour voter ici. Et je suis obligé de voter. Sinon, on a une petite amende. Ah oui, effectivement. Oui. Alors, est-ce que vous rentrez déposer le bulletin dans l'urne ou faites procuration par, oui, voilà. Faites par procuration. Mmh. Alors, est-ce que vous trouvez dommage qu'un pays comme la France ne passe pas le pas du vote pour les étrangers mais c'est bien qui dommage. Sont, sont depuis au moins 5 ans sur le territoire. Mais bien sûr, on fait partie de la. Enfin, Moi, j'ai intégré dans la vie, oui, de manière totale, quoi. Ouais. Donc. Oui, par exemple, vous qui habitez Paris. Oui. Bah, ça vous plairait, par exemple, de voter pour votre maire le maire d'arrondissement. Oui. Vous vous sentiriez. Oui. Plus intégré ou enfin intégré le mot. Sentez pas intégré, Christian. C'est là on vous rejette. En fait, vous avez moi, des papiers, je suis un cas particulier. Je vote toujours en Belgique parce que je tiens à l'unicité de mon pays et je veux que ma voix participe à ça. Donc, je ne rêve pas de rêver en France, de voter en France pour l'instant. Ouais. Mais je suis un cas particulier. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle d'intégration, etc. Mais on se sent plus impliqué quand on a. Déjà, on peut commencer à apprendre la langue, hein, il la maîtrise plutôt bien. Donc, c'est en bonne voie, moi, je vous encouragerais. Il mange avec des couverts, je l'ai fait. Des fois, on se moque encore beaucoup de notre accent. Je me demande pourquoi. Oui, enfin, ça, je me sens pas bien intégré quand ça comme ça. Moi. Mais il faut préciser, pour faire un petit peu de droit constitutionnel, qu'il faut un changement de la Constitution pour que les étrangers aient le droit de voter. Il faut 2/3 des parlementaires. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il y avait une possibilité de le faire en début de mandat, ils ne l'ont pas faite. Alors ça, je vous laisse après la responsabilité. Pour moi, c'est des enculés. Mais bon, après, c'est tout à fait personnel. Surveillez votre langage, Guillaume Meurice. Manuel Valls a annoncé cela à Sciences Po. Donc, c'était un petit peu en catimini, en belge on dit en stommeling. Hein, c'est un petit peu en catimini, alors que bon, voilà. Mais pour le premier secrétaire du PS, Cambadélis, c'est toujours à l'ordre du jour. Mais effectivement, il faut convoquer ce qu'on appelle quoi le congrès à Versailles. C'est ça, oui, c'est ça. Et est-ce que vous ne pensez pas, Christian, que vu l'état de tension qui règne en France, la crise économique, toutes les préoccupations qu'ont les Français, etc., que c'est absolument une priorité de parler de ce débat-là et de faire une réforme de la Constitution ? Si, moi je suis pour. Il faut, puis, c'est votre point commun avec Michel Sardou. Voilà. Et le seul. Puis c'est un ramassage d'extrême. Enfin bon, on glisse vers une droite dangereuse en faisant tout ça. Et rappelons que c'est une proposition de Mitterrand depuis 81 déjà, et qu'il ne l'avait pas reproposée en 88 à cause d'une petite poussée FN déjà à l'époque, où il ne voulait pas se couper d'un report possible des votes FN au second tour. Il y a des articles partout dans la presse, notamment dans le Figaro ce matin. Ce que j'avais résumé sous le terme d'enculé, mais c'était peut-être un petit peu rapide. Oui, c'est bien que vous le redisiez deux fois. Je vous en prie. Et puis des fois, il y a une règle de trois, on peut le dire trois fois. Donc, vous restez... J'attends un petit peu dans l'émission, il y aura certainement un moment où je pourrais le placer. Prenez un petit peu de poésie, de langage châtier, c'est du côté d'André Manoukian. Mais oui, ça tombe bien parce que je vais vous parler d'un poète et d'un étranger en même temps, voilà. Le gars est donc poète et palestinien. Bon, alors bien sûr, sa poésie va être... Alors, c'est pas le chanteur dont je vais vous parler, hein, c'est... Ah ben non, ça serait l'introduction. Ça serait trop simple, voilà, ça serait l'intro. Donc... Son neveu, donc. Non, c'est un tonton de la famille. Ce poète est palestinien, il est évidemment inspiré... Sa poésie est inspirée de la Palestine, inspirée parce qu'un territoire ne vaut que s'il est quitté. Vous vous sentez belge, Charline, Alex, Christian, parce que vous êtes exilé à Paris, mais à Bruxelles, vous ne vous sentez pas belge. Vous êtes juste un homme et une femme, shabadabada, on est d'accord. C'est ça. Bon, alors revenons à notre poète. Lui, il s'appelle Mahmoud Darwish. Darwish, ça sonne un peu comme Greenwich, le premier méridien qui tient son nom de la localité anglaise du même nom. Et comme sandwich. Oui. Mais bon, ça n'a rien à voir, certainement. Eh bien, ça tombe bien parce que Mahmoud Darwish sera le premier méridien de toute la poésie arabe du XXe siècle. Il naît en 41 en Palestine sous mandat britannique. En 48, il s'enfuit au Liban avec sa famille. Un an plus tard, ils reviennent. Leur village n'existe plus. Le petit garçon, comme tous ceux qui sont chassés de leur territoire à jamais, va devenir un bout de terre qui marche et pense. Un jour, il va rencontrer un autre bout de terre, qui marche et qui chante et qui joue de l'oud, le luth arabe, l'ancêtre de la guitare, qui s'appelle Marcel Khalife. On se rapproche de mon héros, hein. Marcel Khalife, né dans une famille de chrétiens maronites, vous avez vu ce tourne autour, hein, c'est, oui, comme ouais, c'est ça. Mais comme alors, ça, le sujet est au centre en même temps. Ouais, exactement. Marcel Khalife, né dans une famille de chrétiens maronites d'un petit port de pêche au nord de Beyrouth. Enfant, il écoute les chants en canon des églises chrétiennes et puis il écoute aussi les litanies envoûtantes des imams. Le mariage des deux cultures était heureux dans le Liban des années 50 et ces deux influences vont être une de ses principales sources d'inspiration. Le principe du makam, la litanie de la gamme arabe, c'est tout d'abord qu'il y en a une multitude. Quand nous, en Occident, nous n'en avons conservé que deux, c'est la faute à Jean-Sébastien, le mode mineur et le mode majeur. En gros, le mode mineur qui exprime la tristesse, le mode majeur qui exprime la joie. Eh bien, des macams, il y en a pas loin d'une soixantaine. Rendez-vous compte de la nuance, de la subtilité de tout ce que vous pouvez exprimer, bien plus proche de la réelle complexité des sentiments qu'on éprouve. On n'est jamais tout gai ou tout triste. C'est même délicieux l'infinité de mélanges qu'on peut faire avec ces deux sensations. Cette joie, par exemple, que je peux ressentir chez Charline quand je regarde vos fossettes, est encore meilleure avec la pointe de regret qui me dit que je ne peux que les regarder, ces fossettes. Le soupir... Demandez-moi, vous venez après 18h dans mon bureau. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des fossettes? C'est dégueulasse. Le soupir est avant tout musical. Le renoncement, la nostalgie du paradis perdu, c'est la source à laquelle s'abreuve le poète, le musicien assoiffé qui jamais ne se désaltère, jamais ne se console. L'inconsolable, c'est le leitmotiv absolu, c'est le gimmick musical qui va hanter Beethoven, Schubert, Chopin, Mahmoud Darwish, Marcel Khalife et aujourd'hui son fils, Bachar Marc Khalife. Bachar est né dans un pays en guerre, le Liban. Sa famille se réfugie en France quand il n'a que 6 ans. Bachar va au conservatoire. Il apprend le piano et la percussion classique. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que tous ses instruments viennent de l'Orient. Le violon vient du rebab, la flûte vient du nez, la guitare vient de l'oud, la harpe de la lyre. Le jeune Bachar qui apprend la musique classique occidentale boucle la boucle comme un makam. Un makam, une arabesque musicale qui tourne autour d'une note, comme moi quand je tourne autour de ma chronique ou autour de vos fossettes, Charline. En lisant Schumann, Debussy et Ravel, il les relie à la glorieuse musique de ses ancêtres. Aujourd'hui, dans son somptueux album, il nous restitue la complétude de ces deux mondes qui s'affrontent sans se comprendre, alors qu'ils sont liés par le lien le plus intime et sensuel qui soit, la musique. C'est aussi tout le sens du dernier Goncourt, Boussole, de Mathias Hénard, relier l'Orient et l'Occident. On va écouter Kyrie. En grec ancien, Kyrie eleison, c'est la prière orthodoxe qui veut dire « Seigneur, prends pitié ». « Seigneur, prends pitié de moi quand je regarde les fossettes de Charlie ». Soli, mit, sidi, sumu, soli, irham. لأجلك لأجلك يا رب صمتي لأجلك لأجلك يا رب Oh, Bachar qui adoucit les mœurs, et celui-là. Oui, et voilà celui-ci. Bachar Marc Khalifa, il sera à Marseille le 20 novembre, en concert à Valence le 21, le 26, au Trabendo à Paris. Son album Yabalade est sorti le 27 octobre. Et il sera demain soir à 21h dans une émission qui s'appelle Partons Live. Avec, mais oui, avec qui présente ça? Je sais pas. Si, le mec de la télé, là. Je sais pas comment il s'appelle. Et c'est somptueux, non? Vous trouvez pas? C'est cette fusion Schubert avec le monde arabe. C'est céleste. C'est magnifique. Vous vous sentez concentré, Christian Eck? Oui, j'adore. Oui, ça vous plaît. Ça serait très très beau. Ça vous inspire des nouvelles mises en scène? Ça pourrait vous permettre de vous concentrer avant d'entrer en scène, pourquoi ce genre pas de musique? Pourquoi pas? On aime beaucoup à écouter de la musique avant de, dans les loges, ça. Ouais. Puis le texte sur les araignées de mer, c'est d'une puissance. Oui, parce qu'on rappelle que Christian Eck, de la Comédie Française, vous joue en ce moment 20 000 lieues sous les mers. Il est surtout Capitaine Nemo. Il est occasionnellement une araignée de mer. Ça, c'est votre faute. Hein. Oui. Vous êtes bien sûr France Inter. Et à cette heure-ci, Christian Eck, et chers auditeurs, vous savez, vous l'attendez, c'est le moment. Meurice, Guillaume Meurice, dégaine son micro et va embêter les gens. C'est sa passion. Oui, c'est vrai. Alors, j'étais embêté hier soir parce que j'avais le choix entre deux événements majeurs. Le concert de Beyoncé au Madison Square Garden de New York et le meeting de Claude Bartolone au gymnase Maurice Baquet de Pantin. Et évidemment, j'ai choisi quoi? Maurice Baquet. Gymnase. Et évidemment, le gymnase, tout le monde en aurait fait autant, bien sûr. D'ailleurs, la salle était bondée. Pauvre Beyoncé, hein, de plus rester beaucoup de monde dans sa salle à elle. Il y avait des fans de Bartolone venus du monde entier, toutes générations confondues. Il y avait par exemple des jeunes complètement en transe. Je suis allé les voir. Vous êtes fan de chez fan de Claude Bartolone? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites là alors? C'est ma mère, elle est conseillère municipale et elle m'a dit de venir. Ok, bon, c'était un mauvais exemple. Mais bon, alors, sinon, ils étaient comme des ouf, les jeunes. On aurait dit Robert Ménard à une soirée barbecue du Ku Klux Klan. Mais il y avait également des vieux, hein, également des vieux militants socialistes qui étaient là pour... C'est pour soutenir Bartolone. Bon, il vous fait rêver Bartolone un peu? Ah bah oui, c'est la meilleure chance qu'on a de... Bon, bah, vu que Jean-Paul Huchon ne veut pas poursuivre l'aventure... À vous, c'est plus Jean-Paul Huchon qui vous faisait rêver? Bah il a fait beaucoup, mais il a fait son chemin, oui. Qu'est-ce qui vous faisait rêver chez Jean-Paul Huchon? Ouais. C'est un peu difficile à dire. Ouais, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'émotions, hein, on va pas se mentir. Difficile de trouver les mots, mais on peut se l'avouer, Jean-Paul Huchon, il nous a tous fait rêver. Le discours de Cergy Pontoise en 86, moi j'avais les poils, rien que d'en parler, ça me donne envie de chialer. L'inauguration par Jean-Paul de la Rocade Sud de Longjumeau, on l'a tous vu et revu le DVD, hein, c'est normal. On se dit, c'est impossible de succéder à un tel monument de l'entertainment politique, mais c'est sans compter sur Claude qui avait mis le gros paquet. Il y avait même un street artiste qui faisait une performance archi spectaculaire. J'ai fait le portrait de Monsieur Bartolone, composé de centaines de petits visages, de différentes humeurs, pour présenter un peu tout le monde. D'accord, c'est Claude Bartolone, ça va être Claude Bartolone à la fin, c'est ça? C'est terminé, c'est Claude Bartolone. Ah oui, pardon, c'est terminé, non, excusez-moi, non, ouais, c'est l'émotion, vous êtes marrant. Non, c'est vrai que c'est bon, bah là, j'étais un petit peu troublé. Ou alors c'est l'émotion ou le fait que ça ressemblait davantage au portrait de René Coty sous l'Exomil. Mais en tout cas, c'était beau, c'était du rêve. Et qui dit rêve dit évidemment vedette. Et il y avait des stars pour chauffer la salle. Il y avait par exemple Jacob Desvarieux, est-ce que vous connaissez? Oui, bah le chanteur des Cassaf. Voilà, tout le monde connaissait? Clara, Cassav, ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas hyper connu. Du coup, je suis allé le voir en lui faisant. Une... Oui, mais alors lui, bon. Bah, Jean-Claude. Ouais. Bon, je lui ai fait une proposition. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes Morgan Freeman? Je ne suis pas Morgan Freeman, en tout cas pas encore. Ouais, mais pour Claude, ça l'aiderait d'avoir des stars américaines. Je suis pas sûr, parce que les gens d'Île-de-France, bon, ils regardent ça à la télé, mais le fait qu'il y ait Morgan Freeman ou qu'il y ait même Barack Obama, pour les gens qui vont voter, je suis pas sûr que ça change vraiment quelque chose. Ah si, si, si, d'ailleurs j'ai appelé Barack Obama, mais il était pas dispo. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, à mon avis, il avait peur de se faire complètement éclipser par le charisme de Claude. Mais il y avait quand même des politiques de premier plan, par exemple Marie-Noël Lindemann, qui elle est d'habitude plutôt étiquetée à gauche de la gauche. Est-ce qu'elle n'a pas peur que Bartolone, l'ami de Hollande, mène une politique économique un tantinet libérale? Non, non, c'est pas un libéral. Non, c'est un homme très pragmatique. Ah voilà, c'est ça, ouais. Mais pas libéral, pas jamais, non. C'est pas un synonyme, ça? Je pense qu'il faut être très réaliste, mais tenir bon sur ses valeurs. Voilà, tenir bon sur les valeurs pragmatiques et réalistes. Et c'est Appellerio Kézac. Voilà, hein, c'est la légende hein, de Claude. Et puisqu'on parle de légende, il y avait des véritables légendes de la politique. Par exemple, Bruno Leroux. Ah, voilà, évidemment, chef des députés PS à l'Assemblée nationale. L'idole de tout un peuple. Il savait que ça allait être chaud, n'est-ce pas mon gars Bruno? Ça va être chaud parce que Bartolone, c'est un déverseur d'énergie. Bartolone, c'est un déverseur d'énergie. à l'évidence. Depuis le début de sa campagne, chaque fois qu'il se déplace, il laisse une bonbonne d'énergie derrière lui. Et donc ce soir, je pense que tout le monde est venu pour essayer de se prendre une bonne bouffée d'énergie. Et on sait qu'avec Barco, il n'y aura pas de problème, tout le monde repartira avec ça. Bah oui, alors c'est un peu dangereux quand même, une bonbonne d'énergie. Mais on est tous repartis avec ça, signé Claude. On en a pris plein la gueule. Et puis il a quitté la salle en rockstar, même pas eu le temps de l'interviewer. Inaccessible étoile, parti préparer son show de ce soir à Boston ou à Massy Palaiseau, je ne sais plus exactement. En tout cas, tout le monde en a bien profité. Alors tout le monde, pas tout à fait, parce que devant la salle, des gens n'avaient pas pu rentrer. Alors bah oui, c'était blindé, vous allez me dire. Mais en fait, c'est pas exactement ça. C'était des militants de l'association Droit au logement qui voulait juste alerter Claude sur le fait qu'il y avait une famille expulsée par l'office HLM de Romainville. Sachant très bien qu'ils prônent une Île-de-France humaine, au jour d'aujourd'hui, sur la commune de Romainville, l'humanité n'existe pas. Alors pourquoi vous n'êtes pas dans la salle ? Ben, on nous a refusé l'entrée, tout simplement. Mais sur quel critère ? Ben, sur le critère comme quoi qu'on était des opposants, apparemment. Ah bon ? Ce qui n'est pas le cas. Je vote à gauche. Depuis que j'ai l'âge de voter, je vote socialiste en plus de ça. Est-ce que vous allez voter socialiste aux prochaines élections alors ? Écoutez, à vrai dire, j'ai beaucoup de mal à dire que je suis socialiste. Oui, et je crois qu'il n'est pas le seul, celui-là. Les socialistes, ils vendent peut-être du rêve quand ils sont en campagne, mais ils vendent surtout leurs promesses quand ils sont au pouvoir. Guillaume Meurice, dans toute bien sa splendeur. Oui, ça donne, Claude Bartolone et ce mythique, ça donne presque envie que les ressortissants européens puissent voter au régional, n'est-ce pas, Christian Hilaire, qui est belge. Ça donne envie, on a envie de choisir. C'est vrai, c'est un beau casting pour l'Île de France. Politique politicienne, vous aviez, ça vous inspire pas tant que ça? Non, ouais. Je suis un peu, je suis une grosse brêle. Mais volontairement. Non, c'est parce que, enfin, peut-être pas volontairement. Je m'y intéresse peu et j'ai tort. On devrait s'y intéresser, puisque la politique s'intéresse à nous, apparemment. Alors ça, il faudra le vérifier. C'est celui qui le dit qu'il est. Sur France Inter, avec Christian Heck de la Comédie Française, on va aborder avec vous le deuxième sujet. Les homosexuels ne sont plus exclus à vie du don de sang. Voilà une avancée assez symbolique, parce que dans la pratique, ça reste très compliqué. Pas de relation sexuelle avec un autre homme dans les 12 mois qui précèdent le don de sang. Même si ce n'est pas votre ami Ski, par parenthèse réconfortant pour votre famille, n'en rajoutez pas. Non, parce que c'est important. Écoutez, Pierre, la charité s'adresse à tout le monde. Vous ne pouvez pas faire deux poids, deux mesures. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que les homosexuels sont des gens comme les autres. Comprenez, d'ailleurs, ils sont souvent très fins et très cultivés. Regardez Marcel Proust et André Gide. Le Père Noël est une ordure. Christian, est-ce que cette information vous était parvenue alors ou pas ? Non. C'est avancé pour le don de sang des homosexuels. Je l'apprends à l'instant et je suis bien content. Hein. Mais peut-être qu'on se pose les mauvaises questions parce que les homosexuels, enfin l'homosexualité est quand même une maladie. C'est une maladie. Donc ces pauvres gens, ils y peuvent rien. Et attention, on va vous arrêter. Non, continuez, ça nous intéresse. Non, mais je trouve ça tout à fait débile. Oh, mais alors, sur ce plateau. Oui, il est bon comédien. Vous êtes trop. Non, mais vous devriez faire du théâtre. J'ai pas bien compris. En fait, pour prouver qu'on peut donner son sang, oui. On dit à la personne qui vous accueille. Bonjour madame, bonjour monsieur, oui. Je n'ai pas eu de rapport depuis un an. C'est-à-dire que le comité national d'éthique explique que le nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH est 200 fois plus élevé parmi les hommes qui ont eu, au cours des 12 derniers mois, des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve directe d'un risque supérieur par rapport aux hétérosexuels. En Belgique, figurez-vous que c'est toujours interdit, j'ai vérifié. C'est le même cas en Grande-Bretagne, c'est-à-dire 12 mois sans relation sexuelle, tandis qu'en Espagne et au Portugal, c'est aligné sur les hétéros. Donc il y a moyen d'y parvenir, sans doute. S'il y avait eu à ma connaissance, il n'y a pas de gros scandale, en tout cas, de preuves directes au Portugal. En plus, c'est uniquement sur la base d'un témoignage, parce que c'est un médecin qui demande est-ce que vous avez eu des relations sexuelles. Il suffit de lui dire bah non. Et bonjour. C'est bon, en fait. Non, ça va. Tiens, et si une personne s'est rendue. Pour en revenir à ce que je disais, parce qu'il y a la transfusion. Bon, bien sûr, c'est pour le sida, on est bien d'accord. Mais la maladie de l'homosexualité. On peut peut-être l'attraper. Et c'est dangereux, méfiez-vous. Ça, si ça part transfusion, c'est pire encore, c'est ça. Tiens, j'ajoute que si une personne s'est rendue récemment en Afrique, elle ne peut pas non plus donner son sang parce que bon voilà. Après, si on a une relation sexuelle en Afrique dans les 3 mois qui précèdent avec un homme, qu'est-ce qui se passe? Allez, si on passait à Clara Dupont-Modeau. Qui c'est qui a eu des relations sexuelles? Et la maladie Clara de la littérature. Mais donc, ça peut vous cultiver. En parlant d'abstinence, alors l'actualité, Christian Hecht. Christian Hecht. Non, mais c'est pas aussi un anniversaire. Oh là là. Appelle le cri-cri. Un anniversaire qui passera. Hélas, inaperçu dans le flot oppressant de l'actualité. Ça faisait longtemps que vous n'aviez plus oublié le nom de notre invité, ça nous manque. J'ai mis un R. C'est le plus grand comédien en France. J'ai mis un R, mais je le sais bien, je reconnais son visage. Et en crustacé, je m'y connais. Je le reconnais, ça fait une heure qu'il est devant moi. Mais non, c'est pas ça. Je connais tous les crustacés du théâtre. Allez, allons-y. Alors, donc, je vous informe, Christian, que demain, ça fera 219 ans que la grande reine Catherine II de Russie s'est éteinte à Saint-Pétersbourg. Merde. Alors vous verrez, il n'y aura pas de dépêche AFP, il n'y aura pas de une de journaux, ce sera bien dommage. Heureusement, la littérature qui, elle, est sensible aux injustices, vient réparer l'outrage. Un livre vient de paraître, Les derniers jours des reines chez Perrin, dirigé par Jean-Christophe Buisson et Jean Sévilla, qui recense toutes les fins tragiques des reines. Alors, je vous le dis, c'est un livre hyper accessible. Donc, on peut y lire en étant néophyte. Non, mais c'est parce qu'on peut. C'est un livre d'histoire. Alors, on se dit parfois c'est un peu intimidant. Mais c'est vrai, on n'a peut-être pas toute la culture qu'il faut, historique. Bon, eh ben, pas du tout. On s'y plonge en étant néophyte. Je ne vais pas y arriver. Vous voulez lui parler de son alcoolisme ? Cette chronique a été construite. Ça va aller. Pas du tout. Vous n'êtes pas spécialiste en histoire ? Non. Bon, ben voilà. Et puis il est gros, le livre est gros. Ça il est merveilleux. Peur. Il est merveilleux. Vous pouvez le faire. Non, mais c'est pas ça, pas du tout. C'est parce que vous n'êtes pas spécialiste en histoire. Ça va m'aider. Mais oui, on peut quand même s'y plonger. Est-ce que je suis claire là? On creuse, bon, je pas. Alors, donc vous y plongez, araignée de mer, oui, en étant néophyte. Vous les dérames, Clara Dupont-Modeau? Non, ça va. Très bien. Et vous allez en ressortir avec la certitude. 1. Qu'il existe un savoir mourir exactement comme il existe un savoir vivre. 2. Que, je cite les auteurs, cette civilité du dernier voyage est souvent l'apanage de la royauté. Oui, monsieur. 3. Ces reines, il n'y a pas à dire, elles en avaient. Et je vous signale d'ailleurs que chacune à elle seule vaut au moins une pièce à la Comédie française. Prenons Catherine II de Russie. 34 ans de règne, un seul but, unifier la Russie, un seul ennemi, son fils. Eh oui, son propre fils Paul, il la hait, il est sûr que sa mère a orchestré la mort de son père lors d'une malencontreuse partie de chasse, ce qui peut arriver. Donc, Paul va assassiner, en quelque sorte, la mort de sa mère. Au matin du 5 novembre 1796, notre Catherine se réveille, elle se rend sur la chaise percée, les toilettes, et puis elle s'effondre. Crise d'apoplexie, elle a 67 ans. Alors, pour savourer l'agonie de sa mère, ce qui n'est pas très élégant, Paul fait dresser une table de victuailles dans le couloir, juste à côté de la chambre, et après déjeuner, il commence à fouiller tous les papiers de sa mère. En fait, il cherche le testament de sa mère qui, murmure-t-on, ne lui donnerait rien. Je vous signale quand même qu'on n'a jamais retrouvé le testament, donc a priori, il l'a trouvé et il l'a détruit. À 22h15, Catherine respire une dernière fois, écrit Lorraine Demeaux, l'auteur de l'article. Alors, que fait Paul ? Il fait déterrer le cadavre de son père, il pose des restes à côté du corps de sa mère, qui a été mal embaumée, donc qui est un peu bleu, jaune, noir, et Paul oblige toute la foule a défilé devant cette mise en scène macabre, ce qui sera très mal pris. Ce qui se comprend. Ah oui, ça pas. Mais vous suivez. Vous voyez, les derniers jours des reines, les derniers jours des reines libèrent une cruauté qui n'a pas pu s'exprimer de leur vivant. Prenez la reine Bruno, visionnaire reine mérovingienne. Qu'est-ce qu'on lui fait? On la déshabille, on l'attache sur un chameau qui se promène pendant 3 jours, et finalement, on l'attache par les cheveux à la queue d'un cheval sauvage. Paf, on tape sur le cuisseau, le cheval s'emballe, il ne reste plus qu'une purée de Bruno, en quelque sorte. Et pourtant, elle n'est pas encore assez éliminée, explique le livre. On brûle ses restes, on la prive de sépulture, autrement dit, on la supprime de la mémoire, car, je vous le rappelle, l'oubli est pire que la mort, évidemment. Pourquoi alors, on fait tout ça, la reine Bruno? Pas extraordinaire histoire avec Frédégonde, avec Clotaire, je vous raconterai, on se verra après. Mais je vous rassure, certains derniers jours ont autant de panache que les premiers, parfois ça peut arriver, et là, c'est Aliénor d'Aquitaine qui remporte la palme, qui est dans le livre. Cette sublime guerrière moderne a défendu son royaume jusqu'à sa mort en 1204, elle avait 82 ans, et nous devrions d'ailleurs tous nous incliner chaque fois que son nom est prononcé. Je dis cela en toute objectivité. Observons que le tragique s'exerce surtout du côté de la Belgique. Je n'y peux rien. Mais la fin de Charlotte de Belgique est sans doute la plus poignante. Votre reine est déclarée folle en 1866. Elle ne boit qu'aux fontaines publiques par peur d'être empoisonnée. Elle élève des poulets attachés au pied de son lit. Elle a des crises d'érotomanie. Hein, Alex, elle est bien, donc bien belge, comme vous. Et elle murmure dans le vide cette phrase sublime. « Ne faites pas attention, monsieur, si on déraisonne. Oui, monsieur, on est vieux, on est bête, on est fou. » Lucidité magnifique, tirée d'une pièce de théâtre, bien sûr. Je vous redonne les références. Jean-Christophe Sévilla et Jean-Christophe Buisson ont dirigé « Les derniers jours des reines », paru chez Perrin. Merci Clara Dupont-Monod, merci beaucoup pour cet instant littérature et histoire. Troisième sujet avec vous, Christian Eck. Je le vois perplexe quand même. Non. Non, il est déjà concentré sur le sujet d'après. Voilà, parce que c'est une première en France. Attention, si vous nous rejoignez maintenant et que vous n'avez pas entendu le sommaire de cette émission, vous allez être surpris. Attention, c'est la première fois que la France participe à la Journée internationale des parents au bureau. C'est comme les stagiaires de troisième, sauf que c'est papa ou maman. Voilà. La joie, le plaisir et la colère, le désir et la recherche de profit. Excuse-moi de te déranger, mon poussin. Je t'ai apporté ton 4 heures. Merci, maman. Je vous présente ma mère, Edith Goetz. Putain, elle est encore bonne, ta mère. Tu veux rester avec nous, maman ? Non, t'es gentil, papa m'attend dans la voiture, mais nous te ferons avec plaisir. Travaille bien, maman. Non. Si l'on chasse chagrin et joie, plaisir et colère... Alors, il est l'air con ? Je crois. Ah, j'en étais sûr. Il a dû avoir l'air bien con. Mais t'es pas le seul. Voilà la journée des parents au bureau. Tanguy, évidemment, d'Étienne Châtillaise. Ça vient de l'incapacité d'expliquer le job qu'on fait parfois à ses parents ou plutôt que les parents ne comprennent pas très très bien le job. Il y a une dame qui témoigne dans Le Parisien aujourd'hui en France qui dit « Moi, je comprends pas, mon fils fait qui account manager ?» Et ça, j'ai pas compris ce que c'était. Alors, Christian, avec vous, vous faites un métier où si un parent ne vient pas vous voir, ça c'est un problème. C'est si mal vu. Enfin, moi, hein, je serais pas content. Bah oui, si un parent ne vient pas vous voir au bureau... Moi, je fais un métier où il faut, on me voit, donc... Donc oui, mes parents viennent me voir et j'en suis fort content. Mais la famille d'André Manoukian qui ne comprend pas ses chroniques, par exemple, ça ne sert à rien qu'elle vienne. Pour venir au bureau. Mais non, ils vous ont soutenu depuis le début. C'est votre maman qui vous a Moi, je suis l'inverse de tout parcours. En général, il faut se battre. Quand on n'est pas dans une famille d'artistes, c'est un métier où il faut en bouffer là. Pour aller contre. En général, ça fait peur. Ces métiers-là font peur aux parents. C'est complètement instable. C'est pas vraiment un métier. Eh bien, appelons les parents à venir à la Comédie Française. Voilà. Moi, c'est ma mère qui m'a poussé à faire ce métier. Et tiens. Voilà, la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité qui joue un rôle. Attention, Christian Eck, évidemment, on est très impatients si vous acceptez, j'ai l'impression que oui. Nous sommes en 2000... J'ai vu sourire. Nous sommes en 2025 et vous êtes directeur de la Comédie Française. Et c'est pas évident parce qu'il faut plaire à tout le monde, toutes les religions, tous les groupes d'influence, toutes les couleurs. Et la programmation de la saison s'annonce difficile. Vous êtes directeur, Guillaume Meurice, c'est votre conseiller. Monsieur le directeur, faut qu'on avance là sur la saison 2025. Très bien, je suis d'accord avec vous. On fait revenir Francis Huster ? Je ne suis pas d'accord avec tout. Oui, d'accord. Très bien, j'ai ici l'envoyé du gouvernement qui gère la représentation de la diversité. Bonjour, Marie-Charlotte Albina Jungstein-Blum. Ah oui, c'est diversifié comme patronyme. Oui, alors il faut des pièces pour tout le monde, hein, les blancs, les noirs, les handicapés, les féministes. Il y a les femmes savantes. Ah oui, ça c'est bien pour les féministes. Oui. Ah non, je considérais ça comme un handicap. Oui, mais si on fait Don Juan pour compenser peut-être. Ah non, ça c'est, les féministes vont détester. Enfin. Sauf si c'est Frigide Barjot qui fait Don Juan. Je préfère encore Francis Huster. Bon, écoutez, on doit placer des acteurs noirs. Hein. Othello. Oui, alors les noirs, c'est toujours Othello. Bah, on va pas leur faire jouer le Cid, le type, il combat des morts. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et si on jouait l'avare ? Ah oui, c'est l'occasion de mettre un acteur juif. Ah bah non, ça ne va pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? On joue Britannicus alors. Et quoi, ça aide à la diversité ? Bah, Britannicus, oui, on met un acteur britannique. Vous n'avez jamais lu Britannicus ? Non. Ça se sent. Ah bon ? Bon. Alors, commençons par placer une femme âgée, ça, y a moyen. Et Ionesco, la cantatrice chauve. Ah, ça c'est bien, ça va toucher les gens en chimiothérapie. Ah, ben c'est bien, on avance. Le barbier de Séville, ça ne dérange personne. Ah non, ça plaira au président, ça. Ouais. Rappelez-moi, qui est président en 2025 ? Bah, Manuel Valls. Ouais, Valls. Ah oui, j'oublie toujours. En contemporain, j'ai pensé à Tennessee Williams, la chatte sur un toit hurlant. Ah non, on va se mettre les associations de défense des animaux à dos, ça non. Écoutez, je rends mon tablier. Adieu la Comédie Française, je préfère encore diriger le théâtre de la Main d'Or. J'aurai moins d'histoires. feriez un bon directeur. Ruff devrait se méfier. Christian Eck de la Comédie Française, monsieur Dab, dans un sketch. Mais oui, il jouait avec un acteur de la Comédie Française. Pensez pas ça un jour. Ah, surtout, il a joué avec nous. Et oui, et alors, on pourra vous voir dans les rustres de Goldenie au théâtre du Vieux Colombier à partir du 25 novembre et ça durera jusqu'au 10 janvier. Dans une mise en scène de Jean-Louis Benoît. Voilà, oui. Exactement. Parce qu'en ce moment, 20 000 lieues sous les mers, d'après Jules Verne, au théâtre du Vieux Colombier, c'est plein à craquer, c'est plein comme un œuf. Oui, mais on espère le reprendre. Dès que ça s'annonce, allez-y, c'est formidable. C'est fortement et c'est conseillé par le couple Eck. Envoyez des invitations. Et la troupe d'Adultou. Merci Christian Eck, merci beaucoup. Merci Guillaume Meurice, André Manoukian, qu'on retrouvera vendredi soir dans son émission. Merci Clara Dupont-Mono, Alex Vizorek. Le mot de la fin aux homosexuels qui peuvent donner leur sang s'ils ont fait ceinture pendant 12 mois, au moins. La dernière fois que j'ai baisé, le Coca-Zéro, ça n'existait pas.